Parler se dit hablar. Tous les infinitifs finissent en R. Ça peut être un AR, qu'on prononce AR, ER, R, ou IR, IR. Parmi le verbe en AR, vous connaissez déjà par exemple hablar, parler, comprar, acheter, llamar, appeler. Aussi, comme je l'ai dit avant, les verbes dérivés de noms qui se ressemblent en espagnol et en français, comme le nom en ion, eh bien, ces verbes ressemblent eux aussi à leurs équivalents français. Il suffit, le plus souvent, de remplacer la terminaison en ER du verbe français par une terminaison en AR pour obtenir le verbe espagnol. Par exemple, former, c'est... Formar? Formar, oui. Parce qu'on a formación. Et de la même manière, confirmer sera... Confirmar? Oui, c'est ça. On insiste sur la dernière syllabe, parce qu'il y a un R à la fin, et suivant notre règle du son, donc confirmar, on insiste, on frappe en quelque sorte sur la dernière syllabe. Comme c'est le cas pour tous les infinitifs espagnols. Alors, comment direz-vous, pouvez-vous me confirmer la réservation pour le week-end? Puede, oui, me confirmer. Confirmarme. Oui. Puede confirmarme. Puede confirmarme. La réservation. La réservation. Non pas réservation, mais Reserva. Réserve, hein, c'est ça. Pour le week-end. Pour le week-end. Littéralement, la fin de la semaine. El fin de semana. Oui, c'est ça. El fin de semana. Le week-end. Donc, puede confirmarme la reserva para el fin de semana. Comment dites-vous préparer? Préparar. D'accord. Préparar. Avec la terminaison ar. Préparar. Et est-ce que vous pouvez préparer le dîner? Puede préparer le dîner. Puede preparar. Dîner est un nom féminin en espagnol. C'est la... La... Pensez à Jésus et ses apôtres. Oui, la cena. Oui, c'est ça. La cena, la cena. C'est le dîner. Puede preparar la cena. Cena, qui s'écrit C-E-N-A. La cena.